Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 2 avril 1974. Mais oui, vous vous rappelez la mort, enfin vous vous rappelez pas vous, mais c'était la mort de Georges Pompidou. Je n'avais que 2 ans. Il était affaibli depuis longtemps déjà, Pompidou, sa maladie se lisait sur son visage. Sa démarche aussi le trahissait, c'est que le président de la République souffre à l'époque de la maladie de Waldenström, une sorte de cancer du sang. Dites-moi, il se savait malade depuis quelques années déjà, non ? Oui, on ne sait pas exactement depuis quand, mais au moins depuis 71, il donnait le change, sans trop de difficultés au départ. Seulement, la maladie a gagné du terrain, la fonction présidentielle est épuisante évidemment, et à la fin de 73, Pompidou s'installe dans son appartement du quai de Béthune sur l'île Saint-Louis, et là il est placé sous assistance médicale. Quelles informations à l'époque a-t-on laissé filtrer ? Alors dans l'entourage du président, on a parlé de grippe, de bronchite, d'hémorroïdes. Le 24 mars 74, le président est absent du dîner des ambassadeurs, ça se remarque évidemment. Cette fois, un communiqué de l'Élysée évoque, je cite, une lésion bénigne d'origine vasculaire située dans la région anorectale et hyperalgique par intermittence. Des données déjà un peu plus précises, mais évidemment très en deçà de la réalité. Le 27 mars, Pompidou trouve quand même la force d'assister au Conseil des ministres, de le présider en l'occurrence. Il avoue avoir besoin de repos. 6 jours plus tard, il est victime d'une septicémie foudroyante. Il va mourir chez lui, donc le 2 avril, à 9h du soir. Nombre de Français vont apprendre la nouvelle en lisant un bandeau sur leur écran de télé, lors de la diffusion d'une fiction. Ses obsèques auront lieu à Notre-Dame de Paris, l'enterrement à Orvilliers, dans les Yvelines, sous une simple dalle de pierre. Le cas de Pompidou va entraîner un certain nombre d'adaptations. Désormais, les présidents vont devoir très régulièrement rendre compte de leur état de santé. Mais, comme vous le savez, 10 ans plus tard, ça n'empêchera pas François Mitterrand de dissimuler à son tour la vérité sur une grave maladie. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h, sur Europe 1. Oui, et nous consacrerons l'émission de ce lundi de Pâques à la dynastie des Rostov.